Ovide, les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard, livre premier, lettre 2, à Maxime. Maxime, ô toi qui es digne d'un si grand nom, et dont la grandeur d'âme ajoute encore à l'illustration de ta naissance, toi pour qui le sort voulut que le jour où tombèrent 300 Fabius, un seul leur survécut et devint la souche de ta famille, dont tu devais être plus tard un rejeton. Maxime, peut-être demanderas-tu d'où vient cette lettre. Tu voudras savoir qui s'adresse à toi. Que ferais-je, hélas? Je crains qu'à la vue de mon nom, tu ne fronces le sourcil et ne lises le reste avec répugnance. Et si l'on voyait ces vers, oserais-je avouer que je t'ai écrit et que j'ai versé bien des larmes sur mon infortune? Qu'on les voie donc, oui. Je l'oserai, j'avouerai que je t'ai écrit, pour t'apprendre de quelle manière j'expie ma faute. Je méritais sans doute un grand châtiment. Je ne pouvais toutefois en souffrir un plus rigoureux. Je vis entouré d'ennemis et au sein des dangers comme si, en perdant ma patrie, j'avais aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez lesquels j'habite, pour rendre leurs blessures doublement mortelles, tremblent leurs flèches dans du fiel de vipères. Ainsi armés, les cavaliers rôdent autour des remparts épouvantés, comme les loups autour des bergeries. Une fois qu'ils ont bandé leurs arcs, dont les cordes sont faites avec les nerfs du cheval, ces arcs demeurent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les maisons sont hérissées comme d'une palissade de flèches. Les portes solidement verrouillées peuvent à peine résister aux assauts. Ajoute à cela le sombre aspect d'un pays sans arbres, ni verdure, où l'hiver succède à l'hiver sans interruption. Voilà le quatrième que j'y passe, luttant contre le froid, contre les flèches et contre ma destinée. Mes larmes ne tarissent que lorsqu'une sorte d'insensibilité vient en suspendre le cours et que mon cœur est plongé dans un état léthargique semblable à la mort. Heureuse Niobé, qui témoin de tant de morts, perdit le sentiment de sa douleur et fut changée en rocher. Heureuse aussi vous, dont la voix plaintive redemandait un frère, et qui fûtes métamorphosée en peuplier. Et moi, je ne puis ainsi revêtir la forme d'un arbre. Je voudrais en vain devenir un bloc de pierre. Méduse viendrait s'offrir à mes regards, Méduse elle-même serait sans pouvoir. Je ne vis que pour alimenter une douleur éternelle, et je sens qu'à la longue elle devient plus pénétrante. Ainsi le foie vivace et toujours renaissant de Titus ne périt jamais, afin qu'il puisse être toujours dévoré. Mais lorsque l'heure du repos a sonné, lorsqu'arrive le sommeil, ce remède ordinaire de nos inquiétudes, la nuit, je pense, donnera quelque relâche à mes maux habituels. Vain espoir, des songes épouvantables m'offrent l'image de mes infortunes réelles, et mes sens veillent pour me tourmenter. Tantôt, je rêve que j'esquive les flèches des sarmates, ou que j'abandonne à leur chaîne mes mains captives. Tantôt, lorsqu'un songe plus heureux vient m'abuser, je crois voir à Rome mes foyers solitaires. Je m'entretiens tantôt avec vous, mes amis que j'ai tant aimés, tantôt avec mon épouse adorée. Ainsi, après avoir passé quelques courts instants d'un bonheur imaginaire, le souvenir de cette jouissance fugitive aggrave encore la vivacité de mes maux. Et soit que le jour se lève sur cette terre malheureuse, soit que la nuit pousse devant elle ses chevaux couverts de frimas, mon âme, soumise à l'influence délétère d'un chagrin incessant, se fond comme la cire nouvelle au contact du feu. Souvent j'appelle la mort, puis au même instant je la supplie de m'épargner, afin que le sol des sarmates ne soit pas le dépositaire de mes os. Quand je songe à la clémence infinie d'Auguste, je pense obtenir un jour, après mon naufrage, un port plus tranquille, mais quand je considère l'acharnement de la fortune qui me persécute, tout mon être se brise, et mes timides espérances vaincues par une force supérieure s'évanouissent. Cependant, je n'espère et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir changer d'exil, quelque rigoureux qu'il dût être encore. Telle est la faveur, ou bien il n'en est plus pour moi, que j'attends de ton crédit, et que tu peux essayer de m'obtenir sans compromettre ta discrétion. Toi, la gloire de l'éloquence romaine, ô Maxime, prête à une cause difficile, ton bienveillant patronage. Oui, je l'avoue, ma cause est mauvaise. Mais si tu t'en fais l'avocat, elle deviendra bonne. Dis seulement quelques paroles de pitié en faveur du pauvre exilé. César ne sait pas, bien qu'un dieu sache tout, quelle existence on mène dans ce coin reculé du monde. De plus graves soucis préoccupent ses hautes pensées, et l'intérêt que je voudrais lui inspirer est au-dessous de son âme céleste. Il n'a pas le loisir de s'informer dans quelle région se trouve Tom. À peine ce lieu est-il connu des Jettes, ses voisins. Il ne s'inquiète pas de ce que font les Sarmates et les belliqueux Jaziges. Et les habitants de cette Chersonèse torique, si chère à la déesse enlevée par Oreste, et ces autres nations qui, tandis que l'Hystère est enchaînée par les froids de l'hiver, lancent leurs coursiers rapides sur le dos glacé des fleuves. La plupart de ces peuples, ô Rome, ô ma belle patrie, ne s'occupent pas davantage de toi. Ils ne redoutent pas les armes des fils de l'Ausonie. Ils sont pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs carquois bien fournis, dans leurs chevaux accoutumés aux courses les plus longues. Ils ont appris à supporter longtemps la soif et la faim. Ils savent que l'eau manquerait pour se désaltérer à l'ennemi qui les poursuivrait. Non, César, ce dieu clément ne m'eût jamais dans sa colère relégué au fond de cette terre maudite s'il l'eût bien connue. Il ne peut se réjouir qu'un Romain, que moi surtout, à qui il a fait grâce de la vie, soit opprimé par l'ennemi. D'un signe, il pouvait me perdre, il ne l'a pas voulu. Est-il besoin qu'un Jette soit plus impitoyable? Du reste, je n'avais rien fait pour mériter la mort, et Auguste peut être maintenant moins irrité contre moi qu'il ne le fut d'abord. Alors même, ce qu'il a fait, je l'ai contraint de le faire, et le résultat de sa colère ne surpassa point mon offense. Fasse donc les dieux, dont il est le plus clément, que la terre bienfaisante ne produise rien de plus grand que César, que les destinées de l'Empire reposent encore longtemps sur lui, et qu'elles passent de ses mains dans celles de sa postérité. Quant à toi, Maxime, implore, en faveur de mes larmes, la pitié d'un juge dont j'ai connu moi-même toute la douceur. Ne demande pas que je sois bien, mais mal et plus en sûreté. Que mon exil soit éloigné d'un ennemi cruel et que l'épée du Jette sauvage ne m'arrache pas une vie que m'a laissée la clémence des dieux. Qu'enfin, si je meurs, mes restes soient confiés à une terre plus paisible et ne soient pas pressés par la terre de Scythie, que ma cendre, mal inhumée, comme est digne de l'être celle d'un proscrit, ne soit pas foulée aux pieds des chevaux de Thrace. Et si, après la mort, il reste quelques sentiments, que l'ombre d'un sarmate ne vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons, ô Maxime, pourraient, en passant par ta bouche, attendrir le cœur de César, si d'abord tu en étais touché toi-même. Que ta voix donc, je t'en supplie, que cette voix toujours consacrée à la défense des accusés tremblants, calme l'inflexibilité d'Auguste. Que ta parole, ordinairement si douce et si éloquente, fléchisse le cœur d'un prince égal aux dieux. Ce n'est pas Théromédon, ce n'est pas le sanglant Atrée, ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair humaine que tu vas implorer, mais un prince lent à punir, prompt à récompenser, qui gémit chaque fois qu'il est obligé d'user de rigueur, qui ne vainquit jamais qu'afin de pouvoir pardonner aux vaincus, qui ferma pour toujours les portes de la guerre civile, qui réprima les fautes plutôt par la crainte du châtiment que par le châtiment lui-même, et dont la main peu prodigue de vengeance ne lance qu'à regret la foudre. Toi donc, que je charge de plaider ma cause devant un juge si clément, demande-lui qu'il rapproche de ma patrie le lieu de mon exil. Je suis cette amie fidèle qui venait au jour de fête s'asseoir à ta table, parmi tes convives, qui chanta ton hymen devant les torches nuptiales, et le célébra par des vers dignes de ta couche fortunée, dont tu avais, il m'en souvient, l'habitude de louer les écrits, excepté toutefois ceux qui furent si funestes à leur auteur que tu prenais quelquefois pour juge des tiens, et qui les admirait. Je suis enfin celui qui épousa une femme de ta famille. Cette femme, Marcia, en fait l'éloge. Elle l'a aimée dès sa plus tendre enfance et l'a toujours comptée au nombre de ses compagnes. Auparavant, elle avait joui du même privilège près d'une tante maternelle de César. La femme, ainsi jugée par de pareilles femmes, est vraiment vertueuse, Claudia elle-même, qui valait mieux que sa réputation, louée par elle, n'eût pas eu besoin du secours des dieux. Et moi aussi j'avais passé dans l'innocence mes premières années. Les dernières seules demandent qu'on les oublie. Mais ne parlons pas de moi, ma femme doit faire toute ta sollicitude. Et tu ne peux sans manquer à l'honneur la lui refuser. Elle a recours à toi. Elle embrasse les autels, car il est bien juste de se recommander aux dieux qu'on a toujours honorés. Elle te conjure en pleurant d'intercéder pour son époux, de fléchir César, et d'obtenir de lui que mes cendres reposent près d'elle.